Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de Pièces Auto La Voix Baudry Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièces Auto La Voix Baudry Napa, 890, 3e rue Chibougamo, 418-748-6426. L'équipe de Pièces Auto La Voix Baudry Napa de Chibougamo souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamo qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamo est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamo est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. C'est la dernière chronique du club de golf de Chibougamo. Ça, c'est déjà plate, mais c'est l'année qui se termine. Salut Michel! Salut Danny! Michel! Effectivement, c'est la réalité. Ouais. Un matin, chez nous, il fait 3 degrés. Ouais. Mais avant de commencer, on va parler de Pierre-Alexandre Bédard. On en parle tout le temps, toutes les semaines. Pierre-Alexandre, résultat hier, plus un 13e au circuit canadien Pro Tour. Ça lui donne 875$ de bourse. C'est pas là qu'il va se mettre riche. C'est ça, mais dans le fond, c'est parce que j'ai pas eu de nouvelles ni de lui ni de Daniel. Là. Ouais. Mais c'est deux journées, là, comme on peut dire, un petit peu ordinaires. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont réussi à bien figurer. En finissant là, à plus 2, il est à 8 coups de la tête. Par contre, il est russe à 4 coups de la 4e place. Okay. Fait que c'est quand même assez serré. Mais on s'entend pour dire que plus un, c'est pas dans ses meilleures performances. Non. Et Lucas Dupéré de Dolbeau-Mistassini, tant qu'il y a d'un résultat, lui, je le vois, je viens de le voir à l'instant, je pense qu'il est terminé au 47e rang à plus 5. Donc, voilà. Donc, Pierre-Alexandre, évidemment, il reste un tournoi, je pense, sur le circuit Pro Tour que Daniel me disait. Et par la suite, ben, sa première année va être terminée, ce qui a quand même été très, très positif dans l'ensemble. Moi, je pense que oui. Là, écoute, pour une première année, une victoire. Victoire en équipe la semaine passée. Mm. Une deuxième place. Il a gagné beaucoup, beaucoup de points parce qu'à tous les tournois, il était souvent dans les 10 premiers. Mm. Moi, je pense qu'il peut être très, très, très satisfait de sa première saison chez les professionnels. Ouais. Parle-moi maintenant du bilan cette année. J'imagine que c'est ben là il fait beau à Montadi les deux dernières semaines. C'est sûr que là c'est pas Chibougamo, c'est différent. Mais hier je parlais avec Martial Bouchard de Saint-Prime, la chronique du club de golf de Saint-Prime, puis il me disait que c'est bon l'achalandage. Il a fait tellement beau des dernières semaines, mais là des derniers jours, mais là c'est sûr que là ça revient normal, puis c'est normal aussi là. Parle-moi de l'achalandage des derniers jours. C'est sûr qu'au niveau de la semaine dernière, c'était l'été, 24-25, un beau soleil, mais chez nous, on n'a pas beaucoup de touristes, fait que donc, au niveau monétaire, ça se transmet pas en dollars. C'est pas comme ici, mais au niveau de la participation, au niveau de nos membres, c'était très bon. Toutes les journées, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achalandage, puis c'était une belle fin de saison, faut pas se le cacher. Parce que la saison comme telle, peut-être là, deux périodes de 3-4 jours de soleil d'été à 24-25, mais c'est rien que ça, là. Ben oui. On a 13 jours de fermeture par la pluie, puis 12 demi-journées de fermeture par la pluie et le froid. Fait que donc, une saison, encore une fois, difficile, un petit peu de manque au niveau financier, mais rien de catastrophique compte tenu de notre situation administrative. Les coupures qu'on avait faites vont s'avérer payantes quand on va faire notre bilan. Puis comme notre bâtisse va bien, on devrait à la fin de notre année financière, au 31 décembre, avoir un surplus, disons, moyen d'opération. OK. Donc, évidemment, c'est quand même positif. C'est toujours le début de l'année. Hein. Ça donne le ton, le début de l'année. Hein. Ben, c'est le demi de l'année, puis le mois d'août, là, beaucoup, beaucoup de pluie. Ouais. Puis, fait que, c'est pas évident, là. Puis, c'est de valeur parce que notre terrain comme tel, il est parti lentement, mais à partir là, de la mi-juin, il était en excellente condition. Mm. Puis, encore une fois, c'est la température. On est tous les clubs de golf un petit peu à la merci. C'est aussi à la merci là, d'un facteur qu'il faut vraiment prendre en considération ouais. pour les prochaines années, c'est qu'il n'y a pas de relève dans les clubs de golf. On travaille dans le moment, dans la relève, pour les 10, dans 10 ans à venir. On est à 10 ans d'avance, ouais. à peu près, avec des jeunes de 12-13 ans. Je parlais avec Stéphane Lebeau. Mais ouais, pour les prochaines années, ça va être encore difficile. Je parlais avec Stéphane Lebeau hier. Stéphane Lebeau, l'ancien joueur du Canadien. Je faisais la chronique du Canadien. Je parlais du Canadien avec lui, mais son fils aspire une carrière à sa PGA, puis il va bien, là, Jeffrey. Et il me disait oui. que. J'ai posé la question. Lui, il aspire à PGA, puis j'ai posé la question. J'ai donné une idée. Je disais exactement ce que je te disais la semaine passée. Est-ce que pour toi, là, Stéphane, là, le fait de pousser un Québécois sur la PGA, ça aurait le même impact qu'au tennis? Puis tu sais, il est arrivé avec des bons arguments, Stéphane. Il dit, regarde, il dit, c'est pas la même affaire que le tennis. Il dit, le golf, c'est long, c'est 5 heures, c'est coûteux. Tandis qu'au tennis, une heure, c'est fini. Vous avez cet handicap-là aussi, là. Tu sais, c'est long jouer une partie de golf, un 18, là. Puis, c'est pas une chose. L'autre gros facteur d'année, ouais. C'est probablement le sport. Le plus difficile à maîtriser. Mmh. Pour avoir un minimum de plaisir, là, ouais. faut que ta balle à l'air, faut que tu avances, tu sais, faut que tu réussisses, que j'entends des bons coups. Puis ça prend là, quelques années. Faut persévérer, faut suivre des leçons, faut venir pratiquer. Hey. Puis chez les jeunes 25-35, puis principalement au niveau féminin, c'est loin de leurs attentes. Eux autres, là, faut que ça soit au moment où ils veulent. Faut pas que ça soit trop court. Faut pas que ça soit trop astreignant. Donc, du vélo, du jogging, de la marche, du plein air, aller s'entraîner en gymnase. Pour eux autres, ça convient. Mais dans la relève du golf, c'est très difficile. Michel, est-ce que c'est sûr que c'est très difficile. J'ai hâte de voir ce qui va arriver au cours des prochaines années pour le club. Je pense pas qu'il est menacé parce que quelque part vous avez d'autres sources de revenus. Heureusement d'ailleurs, parce que vous seriez pas capable. Mais ailleurs, ici ça peut être difficile aussi. Michel, du coup, on a vu cette année, Danny, plusieurs clubs fermés là. Oui, non, principalement dans les grandes régions, ouais. où il y a beaucoup, beaucoup de clubs, parce que là, 10 ans, 12 ans. Ils s'en créaient des clubs de golf, beaucoup. Mais là, la calendaire partout diminue, puis on va en avoir encore plusieurs dans les 5 à 8 prochaines années, là, avant d'avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Oui, c'est clair. Puis c'est ça, hein. Je pense qu'ici au Saguenay, je ne serais pas surpris de Phil Legagné me disait, regarde, je peux aller dans... J'ai 3 terrains de golf à quelque part en espace de 30 minutes. Là. Il y en a peut-être un de trop dans le fond. Là. Hein? Il n'y a pas une ça, là. Ouais. C'est eux autres aussi, ils font face à la réalité qu'on perd des membres à toutes les années. Club de golf Chicoutimi, cette année, ils ont perdu 40 membres en début d'année. Mm. 40 membres à 1500$, ouais, c'est 60 000$. Ça, c'est 50 000. Chez nous, là, ça fait 4 ans de fil. Ouais. Que je perds entre 20 et 25 membres, mais j'en gagne aussi autant. Mm. Depuis 4 ans, j'équilibre mes pertes de membres. Ouais. Mais à un moment donné, ça va arrêter. Là. Ben, c'est clair. Mais que dans les gros clubs, puis surtout au Saguenay, de plus en plus de golfeurs jouent à la carte. Ils ne rentrent pas membres. Les saisons sont trop difficiles. Ça coûte trop cher. Les gens jouent moins souvent. Donc, ils vont jouer une partie à gauche, à droite. Ils vont profiter de spéciaux, mais ils seront plus membres. Mm. Donc, c'est des pertes de revenus importantes pour les clubs de golf. C'est surtout parce que, tu sais, c'est plus payant à la carte, sauf que là, vous êtes tributaire du temps. la température. Puis quand il fait pas beau, ben c'est là que vous êtes complètement, vous savez pas vraiment sur quel pied danser. Tandis que si vous avez des membres, ben quelque part vous avez un budget, vous pouvez établir sur quelque chose de fixe là. Cette saison ici, là, ouais. L'écart entre Chibougamo et le lac, c'est à peu près 4-5 degrés. Ouais. Fait quand il fait pas beau chez vous, il fait 17. Chez nous, il fait 12. À 17, ouais. Pour le ground, ça va encore très bien. Ouais. Mais à 12-13, là, quelqu'un qui joue pas, c'est sûr qu'il viendra pas jouer non, au golf. C'est non. Vrai, c'est vrai. Michel, il y a ça aussi, il y a le facteur température ouais. qui joue pour beaucoup. Et si tu calcules la rentabilité de ta carte de membre, il faut que tu joues possiblement une trentaine de parties. Puis comme la température le permet de moins en moins, ben il y a de moins en moins d'intérêt à être membre d'un club de golf, parce qu'en plus, il y a de moins en moins de golfeurs qui jouent pour la compétition. Ouais, ouais. Fait qu'eux autres, ils jouent pour le plaisir. Fait que pour le plaisir, il faut qu'ils fassent beau. Fait que ça aussi, c'est l'autre réalité. Ouais. En tout cas, Michel, ce qui me reste qu'à te remercier cette année. Ce fut fort agréable encore une fois. Hey, en passant, je suis en train d'oublier une question. Des projets pour. Y a-t-il des projets qui s'en viennent? Non, non, rien de majeur là, pour cette année. Donc, l'année à venir, là, 2018. Là. Ouais. Nous autres aussi, on est un petit peu en consolidation. On a fait de la restructuration administrative, mais on n'a pas de projet d'envergure, là. Certainement pas pour 2018. OK. Ben Michel, il me reste qu'à te remercier. Ce fut encore une fois agréable. Ça fait quoi, 8 ans qu'on a que c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis, tout l'été. Et au plaisir encore une fois de se reparler pour l'an prochain. Un grand merci à toi, Danny. Puis effectivement, ce fut un plaisir de se parler à toutes les semaines. Le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel.